Lisa. Il a vu les hommes. Il a attrapé avec sa main. Il a rendu son nom avec les saints. Et ensuite, il a dit oui, mais le sang. Et puis, il est allé dans les bois. C'était pour ça. Il a sorti un loup, mais pas du tout. Thank you. Thank you. Thank you. Here.